Chapitre 36e. Vous allez mieux, n'est-ce pas ? Dit André en se penchant vers Marguerite. Ils étaient seuls pour la première fois depuis bien longtemps, depuis qu'André avait été arrêté sous inculpation de meurtre. Un heureux hasard avait éloigné tout le monde et le soleil d'hiver, presque de printemps, qui dorait la robe de Marguerite, leur faisait fête comme pour les dédommager de la longue contrainte. « Oui, je vais mieux, » répondit-elle avec son sourire d'autrefois, idéalisé par ses souffrances. « Voici le printemps qui revient. Vous serez tout à fait guérie. Vous allez être heureuse. » Le doux visage de la jeune fille, tourné jusqu'alors vers André avec une expression de joie innocente, changea subitement. On eût dit que le soleil s'en était retiré. « Qu'avez-vous, ma chérie ? » fit André surpris et effrayé. « Quand je serai guérie, nous ne nous verrons plus, » dit-elle en respirant péniblement. « Pourquoi ? Qui vous a dit cela ? » ?»« Je le sais, je le sens. » « À mesure que je vais mieux, on ne me parle plus de vous. Il y a une contrainte secrète dans la manière dont votre nom est accueilli. On semble ne vous laisser venir qu'à regret. » Mon beau-frère prépare pour Claire et moi un voyage dans le Midi. Dès que je serai en état de voyager, on nous séparera, mon ami, j'en suis sûr. » Elle fondit en larmes et se détourna. André prit le mouchoir de batiste qu'elle avait sur les genoux et s'en servit pour essuyer doucement les pleurs qui roulaient sur les joues de la jeune fille. Elle lui sourit et le laissa faire, puis elle appuya sa tête sur le dossier de la chaise longue et le regarda avec des yeux pleins de tristesse et de confiance. « J'aimerais mieux ne jamais guérir, » murmura-t-elle. Hélas, André n'osa la contredire. Lui aussi se résignerait à la voir toujours sur cette chaise, à ne jamais entendre dans la maison le bruit doux et furtif de son pas léger. Il consentirait même à craindre à chaque instant pour sa vie, s'il était sûr qu'on la lui laisserait et qu'il pourrait deux fois par jour s'asseoir près d'elle. On ne se figure pas le peu qui suffit pour contenter ceux qui n'ont jamais l'espoir d'être heureux. « Si j'étais certaine, » ajouta-t-elle tout bas, « qu'à la première chute, ils me ramèneront ici et que je pourrai vous revoir. Mais j'ai peur de mourir loin de vous. C'est cela qui serait horrible. » Elle couvrit son visage de ses deux mains frêles, amaigrie encore par sa longue maladie. « Ne pensez pas à cela, » dit André, aussi ému qu'elle. « C'est horrible, en effet. Et cela ne se peut pas. » « Tout ce qui est horrible arrive, » dit-elle d'un ton découragé. « C'est ce qui est heureux qui ne se peut pas. » Après un court silence, elle le regarda et dit avec une malice d'enfant mêlée d'amertume, « Je marche très bien, vous savez. Je suis forte. Je suis sûre que je pourrais descendre l'escalier toute seule, mais je ne le dis pas, de peur qu'on ne me fasse partir. Je fais la malade pour rester avec vous. » André lui sourit avec une joie profonde, puis inquiet. « Ne craignez-vous pas, lui dit-il soudain, de vous faire mal en obéissant aux prescriptions de l'Anglois, alors que vous n'en avez plus besoin. » Elle se mit à rire avec une nouvelle expression de malice. « Je n'obéis pas, » dit-elle, « je fais semblant. Je jette soigneusement tous les soirs mes deux pilules dans le feu de la cheminée et je verse tout aussi régulièrement ma potion dans les cendres, le matin. Si vous saviez comme je suis devenue rusée. Et tout cela, mon ami, c'est pour rester avec vous. » Elle lui tendit ses deux mains diaphanes et il y ensevelit son visage dont il ne voulait pas lui laisser voir l'expression. Oui, cela pouvait durer quelques jours encore, quelques semaines, tout au plus, et puis on la lui prendrait, cette fleur d'innocence et de grâce, pour l'emmener bien loin. Et si le sort permettait qu'elle n'en revînt jamais, il se heurterait alors à la muraille inébranlable des convenances. Tout au plus, un excès d'indulgence, et qui serait blâmé par la plupart, permettrait-il à l'Anglois de lui ouvrir sa maison les jours où l'on ne peut la fermer, aux fêtes de famille, au jour de l'an? Ce n'était pas vivre que de voir ainsi Marguerite. Que faire alors? Une idée folle lui traversa l'esprit. La jeune fille était forte, disait-elle, assez pour marcher, pour se soutenir dans l'escalier. S'il l'emmenait, s'il profitait de cet instant de solitude, qu'on eût dit ménager tout exprès pour leur donner cette occasion unique dans leur vie. Soudain, il se rappela le discours de l'Anglois, qu'il avait trouvé à la fois si juste et si cruel. Lorsque Marguerite sera rétablie, un beau jour vous vous enfuirez ensemble. Il n'y a pas d'honneur et de devoir qui tiennent. Un jour vient où la passion est la plus forte et noie tout le reste. » Marguerite le regardait avec une singulière expression mêlée d'inquiétude et de curiosité. Elle semblait vouloir déchiffrer en lui une écriture mystérieuse qui lui révélerait des secrets extraordinaires. Il rencontra ce regard quand il leva la tête. « Vous vous demandez à quoi je pense ?» dit-il tout brisé par la lutte qui se livrait en lui-même. « Je me pose des questions, Marguerite, et je ne sais comment les résoudre. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle timidement. « Peut-être. Je me demande s'il est juste et honnête de vous laisser mourir, alors que vous êtes sans reproche. S'il est juste et honnête que moi, qui ai toute ma vie cherché le bien et l'honneur, je sois privé de toutes les joies de la vie, pour des fautes qui ne sont pas les miennes. Et enfin, s'il faut me soumettre à des lois qui sont pour vous comme pour moi une véritable iniquité. » La jeune fille continua à le regarder d'un air perplexe. Elle comprenait, mais elle avait peur de deviner le sens caché de ses paroles. À son tour, il interrogea le cher visage que colorait une rougeur fugitive. « Vous voulez que je vous dise, fit-elle en hésitant, s'il est nécessaire de nous soumettre à une séparation éternelle ?»« Oui, fit-il ému au point de ne pouvoir parler. Elle pencha la tête et sembla écouter une voix intérieure qui répondit lentement, en cherchant ses mots un à un, au fond de sa pensée. Il faut se soumettre aux lois de tout le monde, même quand c'est très cruel, même quand c'est très injuste. Pourquoi ? Demanda André impatient, voyant qu'elle s'arrêtait. Pour donner l'exemple, reprit-elle bravement, comme si toutes ses hésitations venaient d'être mises en fuite par la raison victorieuse, afin que d'autres, malheureux comme nous, se résignent et souffrent, en se disant que, puisque nous l'avons supporté, ils le supporteront aussi. Et même, oh mon ami, quand notre exemple ne devrait jamais être utile à personne, pour vous et pour moi, afin que nous nous aimions et nous estimions jusqu'au bout, jusque par-delà la mort. » Il écouta cet arrêt avec un respect profond. « Croyez-vous, lui dit-il quand elle eut cessé de parler, que les martyrs de l'ancien temps aient plus souffert pour leur roi que nous ne souffrons pour l'honneur ?»« Leur martyr n'avait qu'un jour, répondit-elle avec un sourire angélique, et le nôtre durera toute notre vie. » « Toute notre vie !» s'écria André. « Ah, qu'elle ne soit pas trop longue !»« Au contraire, » reprit doucement la jeune fille, « je la désire longue, très longue. À mesure que les années passeront, il me semble que nous nous aimerons davantage et que nous pourrons nous voir plus librement. Quand j'aurai 40 ans, mon ami, ne croyez-vous pas que nous pourrons nous voir autant qu'il nous plaira ?» André n'osa point lui dire que même alors il ne serait pas à l'abri de la calomnie, et que d'ici là, ils auraient à traverser une épreuve si longue et si douloureuse que quelque chose d'eux-mêmes y sombrerait, s'ils étaient capables d'y survivre. Mais devant la pureté divine de ce visage, rendu presque enfantin par la maladie, devant la question innocente que lui posaient ses yeux clairs et honnêtes, il se contenta de sourire. « Eh bien, allez-vous-en alors, » lui dit-elle avec un geste caressant. « J'aimerais bien rester seule encore un petit moment après que vous serez partie. » Avec votre souvenir, vous comprenez? Il ne me serait pas agréable de parler tout de suite à ma sœur ou à mon beau-frère. Vous sentez cela, n'est-ce pas? Oui, je vous comprends, dit André en se levant. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, Marguerite, est noble et pur, mais la vie est difficile, bien difficile. Il s'inclina vers elle et baisa ses cheveux frisés. Il voulut s'arracher à cette ivresse. Il n'en eut pas le courage et sa bouche descendit jusqu'aux tempes satinées, jusqu'aux joues rougissantes. Elle l'arrêta d'un geste de prière. « Pour le devoir, » dit-elle à voix basse, « pour l'honneur. » Il se redressa, la regarda un instant et sortit avec un soupir. « Il est fâché, » se dit-elle avec un tressaillement de reproche intérieur. « Je lui ai fait de la peine. » Elle se trouva debout, sans savoir comment, et courut jusqu'à la porte qu'elle entr'ouvrit. André était encore dans le salon et se retourna surpris. « Pour toute la vie, » dit Marguerite en appuyant ses deux mains sur sa bouche, et lui envoya une poignée de baisers. Il allait revenir, et traversait déjà en courant la vaste pièce assombrie. « Non, non, » dit-elle, « de loin seulement. Je vous aime, et je vous aimerai toujours. Allez-vous-en. » Il la regardait encore quand elle avait refermé la porte et regagné sa chaise longue, épuisée par son effort et par son émotion. « Toujours !» se dit-elle en appuyant ses deux mains sur son cœur qui battait trop vite. « Est-ce que ce sera long ?